Studec Web. Studec Web, il est 19h, merci d'être avec nous. Les titulaires, avec Johan Bredov, sur Studec Web. Et bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième émission des titulaires. Alors on sera axé sur le foot particulièrement aujourd'hui, on va revenir sur la cérémonie ennuyeuse du Ballon d'Or, un classement qui fait beaucoup parler, un système de vote remis en cause, et si la magie de ce prix était perdue, c'est la question qu'on se posera juste avant de passer à la page Ligue des Champions. Et oui, sixième et dernière journée, mardi et mercredi à suivre, le PSG est en très bonne posture pour se qualifier en huitième, mais pour cela il faudra encore sortir un gros match à Belgrade après celui réalisé contre Liverpool. Autre club français en bonne posture pour la qualif, c'est Lyon. Face au Shakhtar, les Gones ont besoin d'un seul petit point pour être au rendez-vous en février. D'autres matchs importants sont à suivre, on en parle plus tard dans l'émission. Et avec moi aujourd'hui, Antoine Ballet, Johan Guillet, Arthur Vincent, qui était déjà là lors de la première. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Mais aussi l'unique Quentin Martel pour sa première cette saison. Salut Quentin. Salut tout le monde, salut Johan. Et tout de suite on parle du Ballon d'Or, c'est parti. Les titulaires. Et lundi avait lieu la cérémonie du Ballon d'Or. Modric a été désigné, soit, mais le classement fait parler. Le classement des Français, déjà. Griezmann, 3e derrière Ronaldo. Varane, 7e alors qu'il gagne la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Excusez-moi du peu. Un peu bizarre ce classement, non, Johan? Ce qui est plus gênant, c'est surtout Mohamed Salah devant Raphaël Varane. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a gêné particulièrement. Parce que ça prouve une chose. Ça prouve que marquer des buts et ne gagner aucun trophée, c'est mieux pour le Ballon d'Or que gagner les deux trophées les plus importants de l'histoire du football et d'être défenseur. C'est quelque chose, moi, qui me gêne particulièrement. Et concernant le classement d'Antoine Griezmann, après, là c'est personnel. Moi, je l'aurais mis premier. Maintenant, j'ai vu qu'en France, on ne l'avait pas mis premier, par exemple. C'est Mbappé et Modric qui sont devant lui. Et surtout deuxième, Cristiano alors. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, on a longtemps dit, oui, mais quand il n'a pas tous les trophées, il faut surtout regarder ses stats. Les stats de Griezmann sont quasi identiques à celles de Ronaldo, sauf que Griezmann, lui, a la Coupe du Monde. Donc là, pour moi, c'est un gros point d'interrogation, ce classement. Ça veut dire quoi, ce classement, pour Griezmann? J'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, en fait. Parce que c'est des votes qui sont subjectifs, on le sait. On connaît la manière dont on s'est voté, on y reviendra. Mais mettre Griezmann en France, moi, je vais parler de la France, parce que là, c'est vraiment ce qui nous intéresse, on va dire. Mettre Griezmann derrière Modric, pour moi, ça pose un certain problème. Et c'est pas la première fois qu'on a ce problème dans ce pays au niveau du foot. C'est-à-dire que on va dire qu'il faut pas être chauvin, faut être objectif. Sauf que vous croyez que les autres pays ils sont objectifs? Non. Les Espagnols, ils ont mis Modric, ils ont mis Griezmann, ils ont mis tous leurs représentants de Liga. On est les seuls en France à se dire on va pas faire de lobby pour nos joueurs. Alors peut-être que ça c'est un problème d'objectivité, de subjectivité. Ça c'est une question à poser. Mais en tout cas, on est les seuls à faire ça. C'est ce qu'il aurait fallu faire, se mettre tous derrière un joueur, comme l'Italie en 2006 avec Cannavaro, par exemple, Arthur? Non, pas forcément. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Antoine. Après, il faut comprendre, en fait, le Ballon d'Or aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est quels critères qui sont choisis? C'est là où je ne comprends pas le classement de Varane, par exemple, par rapport à Modric. Modric a gagné la Ligue des Champions et arrive en finale de Coupe du Monde, d'accord? Il n'a pas marqué tant que ça cette année. Je crois qu'il a mis 11 buts... toute compétition confondue. C'est pas un joueur à stats. Oui, voilà. Son rôle non plus. Alors, mais complètement. Mais alors, pourquoi Varane, qui a gagné autant que Modric, même plus avec la Coupe du Monde, qui n'a pas, pareil, n'a pas des stats mirobolantes, forcément, il est défenseur, pourquoi se retrouve-t-il septième? Soit on privilégie les buts, les stats, tout ce que vous voulez, du coup, on aurait Ronaldo, Griezmann, Salah devant. Soit on privilégie le palmarès, et je comprends pas pourquoi Varane est septième. C'est ça qui est totalement fou cette année, c'est que Ce classement ne veut rien dire. Il y a des joueurs qui ont un gros palmarès qui se retrouvent devant, d'autres qui ont quasiment la même chose qui se retrouvent 15e. C'est incompréhensible pour moi. Non, et puis, surtout quand on sait que le critère numéro 1 c'est le palmarès pour France Football. Après, tu as la classe des joueurs aussi, mais c'est vrai que voir Varane 7e, c'est démesuré. Il a gagné. Je veux dire, si tu mets Luka Modric en premier, qui a été dans le même club que Raphaël Varane, qui a gagné les mêmes titres que lui, avec la Coupe du Monde en moins, tu dois mettre Varane beaucoup plus haut. Bon, c'est juste la Coupe du Monde, après tout. C'est pas oui, c'est juste la Coupe du Monde, c'est pas gênant. Après, voilà, bon, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à Ronaldo, etc., moi, je comprends un petit peu plus le choix, je m'expliquerai un petit peu plus tard si vous voulez, mais c'est problématique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, clairement, on se dit, est-ce que Varane ou est-ce que Griezmann auront de nouveau la possibilité de gagner ce trophée? Et justement, c'est pas l'image des Français qui est en cause? L'image des Français à l'étranger? Bah, pas vraiment dire. Par exemple, Varane, il a une image très propre. Il a toujours été très lisse. Varane, bon, il y a eu la concurrence avec Pepe, mais il y a eu des petites histoires. On doutait un peu de son niveau, mais ça, maintenant, c'est derrière lui. Il est titulaire. Il y a l'image de la Coupe du Monde aussi. Mmh. Bah oui. Non, moi, je pense qu'on paye l'image qu'on a eue. Enfin, il y a Griezmann, beaucoup de pays qui ont dit qu'on n'avait pas fait une belle Coupe du Monde, qu'on avait défendu pendant toute la Coupe du Monde. Mmh. Je pense que les joueurs français, aujourd'hui, paye un petit peu cette image qu'on a eue cet été. Après, pour moi, c'est un petit peu la même, on va dire, que pour l'Italie en 2006. Je pense que si tu fais cette Coupe du Monde-là en 2006, je pense que Varane est ballon d'or. L'Italie en 2006, tout le monde continue à dire que c'était un des plus moches champions du monde qui a existé. Et malgré ça, ça a quand même été Cannavaro. Je pense que c'est surtout la FIFA qui a un petit peu déréglé tout ça avec ce duel Ronaldo-Messi qui est devenu du coup... Enfin, le ballon d'or est devenu pendant 10 ans un duel de superstar. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si c'est France Football qui a récupéré le ballon d'or depuis 2016, on a encore quand même ces critères où désormais la statistique quand même prime et la culture de l'instant prime également. Donc forcément, eh ben, on a l'éclosion d'un Mbappé, on a l'éclosion d'un Modric, parce que Modric a surtout été bon de avril à juillet. C'est la vérité là, c'est un petit peu pareil pour Raphaël Varane. Cela n'empêche que je pense sincèrement que ce ballon d'or, si tu le mets quelques années auparavant, je pense qu'il n'échappe pas à Raphaël Varane. Et justement, c'est le système de vote alors qui ne va pas. On rappelle, c'est un journaliste par pays. Il y a eu des pays où c'était très bizarre. Par exemple, le journaliste de Centrafrique qui a mis Benzema premier, Neymar deuxième, Salah 3, Ronaldo 4 et Mandzukic 5. À propos de ça, j'ai une petite anecdote drôle que je vais quand même me permettre de vous dire. C'est une info qui nous vient du journal comorien Al-Watwan, ok. Le journaliste des Comores n'existe pas. Alors, il n'existe pas et le journal dont il est censé faire partie a fermé depuis 2012. Je veux dire, le classement, c'était Mbappé, Modric, Ronaldo, Hazard et Salah pour ce monsieur qui donc n'est pas un monsieur. C'est pas trop mal. Voilà. Mais pas de Griezmann, par exemple. Griezmann est arrivé plus de fois en tête, notamment en Amérique du Sud, où voilà, il a remporté les voix d'Amérique du Sud plus en tête que Ronaldo. Mais moins dans le top 5 que Ronaldo. Il était plus voté, mais moins dans le top 5. Exactement. C'est pour ça qu'il arrive derrière. On le rappelle, tu ne l'as pas signalé, Yoann, mais c'est un nombre de points dégressif. C'est-à-dire que le premier gagne de mémoire 6 points. Pour ton numéro 1, le numéro 2, 5, etc., ça descend jusqu'à le numéro 5 qui gagne un point de mémoire. Mais en fait, les journalistes votent pour les plus renommés. Ah bah oui. Oui, les journalistes votent pour les plus renommés. Moi, ce qui me tue, c'est que tu as aucune neutralité dans ces votes. Ah non, bah bien sûr que non. Mais ça sera le problème pour n'importe quel mode de vote, en fait. Non, mais voilà, c'est sûr. Mais alors, à ce moment-là... Le foot n'est pas objectif. Le foot n'est pas objectif. Alors, à ce moment-là, tu interdis à tout journaliste qui, dans leur déontologie de leur propre de leur métier... doivent avoir une neutralité. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est compliqué. C'est un peu ce qui avait été signalé, ce qui avait été proposé, pardon, pour les trophées UNFP en Ligue 1. C'est chaque journaliste de son pays n'a pas le droit de voter pour un Français, par exemple. Journaliste de France Football n'a pas le droit. Ça, là-dessus, on est totalement d'accord. Maintenant, ça sert à rien. Ce qu'il faut voir, c'est que on parle beaucoup de différents styles de vote. On peut prendre quelques exemples. Pendant la FIFA, ça a été du 10 ans Messi Ronaldo. Ça nous a été imposé. À la fin, on l'a même accepté. Et plus récemment, quand on regarde le prix Puskás, on a laissé le vote au public. Et c'est Mohamed Salah pour un but, je vais pas dire banal, il est beau, mais c'est un but que tu vois quasiment chaque week-end, qu'il a remporté devant la retournée de Ronaldo, celle de Bale, la demi-volée de Pavard. Donc en fait, le manque d'objectivité. Même Milner, son coéquipier, n'avait pas compris. Ouais. C'était même pas le plus beau but de Salah dans l'année. Après, je pense que pour le coup, pour l'histoire de retournée de Ronaldo et Bale, je pense qu'il paye aussi un petit peu une saturation du public pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ça montre qu'il y a un problème d'objectivité, importe le mode de scrutin. Et après, le problème d'objectivité, pardon, il n'est pas réservé qu'aux Français, il est aussi réservé aux joueurs africains. On écoute Habib Bey, qui était sur le plateau du Late Football Club sur Canal+, qui l'a très bien expliqué. Mais quand je vois que Mohamed Salah a mis 32 buts l'année dernière en Première Ligue, meilleur buteur de Première Ligue, qu'il met 10 buts en Ligue des Champions et qu'il est exceptionnel et que je le vois à la 6e place, si je ne me trompe pas, je trouve que si demain il s'appelait Salah Igno ou s'il s'appelait Mané Igno, qui vote? Par exemple, Firmino est devant Sadio Mané. Firmino a mis 10 buts en Ligue des Champions, Sadio Mané a mis également 10 buts. Parce qu'il est brésilien? Est-ce que Firmino a fait une bonne Coupe du Monde? Il n'était pas titulaire. Posez-vous la question. C'est ça? Et en fait, il faudrait être brésilien? Il faudrait ne pas être joueur africain? Tu as des pays qui sont favorisés. Je suis désolé. Ah oui. Merci Quentin d'avoir coupé Arthur. Arthur. Le mec croit qu'il est tout seul dans l'émission. Quentin en fait l'émission les yeux fermés et il ne voit personne. Non mais il débarque donc forcément il faut lui apprendre les règles. C'est Yoann qui décide Quentin. Non mais en fait Habib Bey a complètement tout résumé. Salah et Sané qui ont à peu près, même si Salah était beaucoup plus médiatisé, ont à peu près la même saison à quelques différences près. Ici j'ai le classement. Salah 188 points. Sadio Mané n'a que 3 points. Au bout d'un moment, c'est pas possible d'avoir autant d'écart entre deux joueurs qui ont fait les deux une grande saison et qui ne Enfin, je veux dire, c'est comme si on retrouvait Cristiano Ronaldo à 476 points et je sais pas, Lionel Messi pour les comparer qui est 29 points. Non, mais par exemple, Luis Suarez qui est 13e avec 17 points. Qui n'a quasiment pas marqué en Ligue des Champions. C'est plus ça, c'est plus Habib Bey d'ailleurs le prend comme exemple. Agüero qui se retrouve devant Sadio Mané. Tout le monde a été beaucoup plus marqué par l'année de Sadio Mané que de Sergio Agüero, en étant honnête. Et Agüero qui finit 6 ou 7 places devant Sadio Mané. C'est impressionnant. Et De Bruyne qui est blessé toute la saison et qui est devant Sadio Mané. Ah bah oui. Mais en fait, il a fait une bonne Coupe du Monde. Oui, ça je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui, sur ce classement, en fait, établissent l'ordre en fonction de la classe, mais de l'importance du joueur, mais sur plusieurs années. C'est possible. Quand Agüero, on va Agüero, oui, par exemple, Agüero, voilà. Et alors que en fait, ils oublient juste que ce classement c'est sur une année. À cause de la FIFA. Voilà. On n'élit pas le meilleur joueur du monde. On élit le meilleur joueur de l'année. C'est ça. Voilà. Complètement différent. En tout cas, le joueur le plus impressionnant, le joueur qui nous a le joueur qui a le plus sauté aux yeux de tous. Au cours de l'année, depuis France Football, c'est devenu clairement le trophée du meilleur joueur du monde. D'ailleurs, on sait tous très bien que Cristiano Ronaldo l'aurait remporté cette année sans aucune contestation possible si la FIFA avait gardé le ballon d'or. Là, c'était limite une évidence. Et d'ailleurs, Quentin, tu parlais de Ronaldo, et toi, ça te choque pas qu'il soit deuxième? Ça me choque pas sûr, hein, finalement. Non, mais dans le sens où quand on regarde, Luka Modric est premier. On est d'accord là-dessus avec 300 points d'écart, je crois. 753 points à Modric. Ouais, bah, voilà. 476 pour Ronaldo et 414 pour Griezmann. On sait que la dernière Ligue des Champions remportée par le Real, c'est en grande partie grâce à Ronaldo. Que Modric, oui, il a été important, mais c'est Ronaldo principalement qui fait remporter cette coupe-là. Bon, il est pas là en demi et en finale quand même, Ronaldo. Ah bah oui. Mais après, bon, il fait le parcours du Portugal à lui tout seul. Voilà, il fait le parcours aussi du Portugal à lui tout seul. Il fait une entrée en matière exceptionnelle contre Quaresma, qui met tout l'extérieur aussi. Et puis là, après, il vient à la Juve aussi. Il démarre un petit peu. Mal. Un petit peu timide. Voilà, après, il se réveille. Bon, ça va, hein. Force est de constater quand même. Plus mauvais début de saison de l'histoire du Real depuis 50 ans et meilleur début de saison de la Juve depuis 50 ans. Pour moi, ça a quand même un lien. Il y a un petit rapport, quoi, peut-être. Ouais. Non, après, bon, s'il y a un truc, je pense, sur lequel on est tous tout à fait d'accord, c'est que contrairement à ce qu'on a pu lire beaucoup de fois sur les réseaux sociaux, le titre de Modric n'est pas volé. Et c'est même presque une vengeance, on va dire, pour tous ceux qui ne l'ont pas eu. Donc, je pense à Iniesta, je pense à Schneider, tous ces hommes de l'ombre. Même si, bon, j'aurais préféré voir Griezmann. Et pour moi, Griezmann avait peut-être une petite légitimité en plus, mais là, on se base sur du français, donc c'est du point de vue français. Mais Modric, c'est très bien que ce soit un milieu de terrain qu'il ait eu, et pas un attaquant pour le coup. Là-dessus, on est tous d'accord. Non. Ah, moi, je trouve. Là-dessus, on n'est pas tous d'accord, en toi. Bon, bah, j'ai non, essayé. Mais après, tout dépend les critères, franchement, parce que pour moi, le Ballon d'Or, c'est censé représenter le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, je monte une équipe de foot pour aller affronter une équipe contre Johan. Si on me dit tu choisis le meilleur joueur du monde, je prends pas Modric dans mon équipe, non. Non, mais dans ce cas-là, tu prends Ronaldo ou Messi. Bah complètement. C'est pour ça que pour moi, les critères pour élire le Ballon d'Or, faut tout remettre en question parce que. Mais dans ce cas-là, tu ne fais pas un Ballon d'Or chaque année. Tu fais un duel Messi-Ronaldo chaque année comme la FIFA alors. Bah non, parce que. Parce après, que ce sont eux les deux meilleurs joueurs du monde. Année, Super Ligue européenne et un Ballon d'Or Messi-Ronaldo. Bah, voilà. C'est ça, mais, tu fais un duel Messi-Ronaldo. Mais prenez par exemple en NBA, Quentin il s'y connaît pas mal en NBA, il me semble, ils disent vraiment le meilleur joueur de NBA. Pas forcément, oui, après, pas forcément celui qui a le meilleur palmarès. Après, tu peux pas comparer ces deux systèmes complètement différents. Le MVP en NBA, ça se base sur les passes décisives, le pourcentage au shoot, l'équipe dans laquelle le meilleur joueur donc. Oui, voilà, mais tu peux pas comparer les deux, c'est pas possible. Moi, je le fais. On va parler de la magie du Ballon d'Or, mais c'est juste après Stromae. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit étude dit travail. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Avec Johan Bredov sur Studek Web. Et on est de retour sur Studek Web, c'est toujours les titulaires. Johan est là, Quentin est là aussi, Antoine qui est à la réa aussi. Et Arthur, comment tu vas, Arthur? Coucou. J'aime cet homme, j'aime cet homme. Un petit mot sur le biathlon? On va en parler aussi du biathlon. Un petit mot sur le biathlon, bah, ça s'est pas bien passé pour Martin Fourcade qui a été battu par son plus grand rival. Johannes Beu, c'est encore en cours, hein, mais il a fait un 9 sur 10, mais c'est sur les skis où il n'a pas l'air en forme, Martin Fourcade. J'ai peur que ce soit peut-être la saison du déclin après 7 titres mondiaux d'affilée. C'est pas grave, il a déjà gagné hier, c'est ça? Oui, il a gagné hier, mais bon, hier il a eu un peu de chance quand même. C'est tout. Bien. On va continuer à parler du Ballon d'Or et notamment de la cérémonie qui était, on va dire les mots, qui était nulle. On est tous d'accord là-dessus? Une blague. C'est catastrophique surtout. Je pense sincèrement que gênante. Ça démontre en fait, il y a une volonté de faire le show et cette volonté-là, elle démontre l'aspect marketing aujourd'hui qui est le Ballon d'Or. Voilà, moi il y a une chose qui m'a, je vais pas dire choqué, mais il y a une chose où je me suis dit c'est pas possible de faire ça, c'est la manière dont les lauréats sont annoncés. Cet écran de fumée avec un semblant de suspense alors que le classement a été dévoilé avant et tu vois la personne qui arrive enfin de sur une immense scène avec des escaliers gigantesques et Martin Solveig qui t'attend au bout pour te demander de danser. Non mais je pense qu'il y a rien. Deux ans à descendre l'escalier en plus. Il y a rien. D'ailleurs si là vous venez en cours de route et que vous venez juste d'écouter ma phrase, je suis sûr que vous savez pas que je parle du Ballon d'Or. C'est sincèrement c'est problématique. Moi ça m'a gêné. Vraiment. Il y avait le Ballon d'Or féminin, tu parlais de Martin Solveig et ça s'est un peu passé. J'ai dit Solveig ou Fourcade? Non, t'as dit Solveig. Je me suis mis un doute là. Bravo les gars. t'as mis Solveig, c'est bon. Et ça s'est un peu mal passé avec le DJ. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu comme ça. Est-ce que tu sais twerker? Non. Ok, alors on a choisi quelque chose d'autre. Excellent, parce qu'il remettait le Ballon d'Or féminin pour la première fois. Et la joueuse de Lyon qui s'appelle Anna Egerberg. Anna Egerberg. Il l'a bien dit. Cette phrase a fait polémique, mais elle est le symbole de la cérémonie en fait. C'est-à-dire qu'on a retenu que ça tellement le reste était nul. Les interviews étaient nulles. Mbappé qui ne connaît pas Martin Solveig. Enfin, franchement, on était à un degré de une cérémonie à la française, bah, j'ai envie de dire. Il y a une autre chose qui m'a choqué. Vas-y, Quentin. Alors oui, on est champion du monde. Mais parce que Modric est Ballon d'Or, parce que ça a fuité comme Johan l'a dit, parce que on est champion du monde et que Modric est Ballon d'Or, il faut que pendant 20 minutes avant qu'on attribue le trophée à Modric, on mette en avant la Coupe du Monde pour dire à Modric, ouais, t'es Ballon d'Or. Ouais, il faut bien lui en mettre une petite, voilà. Quand même. Non, mais c'est déjà que pendant deux jours, fallait pas être chez Griezmann. Ouais, attends, on va bien lui donner 20 minutes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien. Oui, on est champion du monde là-dessus. On nous l'enlèvera pas, mais t'es là pour le Ballon d'Or. Tu vas pas venir nous faire chier. Oula, dire le mot. Coupé son micro. Ok. Quentin, il y a le patron de la radio qui vient d'appeler. T'es viré. Non mais voilà, ça, je trouve ça vraiment dommage. Non, puis en plus le moment gênant, c'est VG Dream. Oui, voilà, exactement. La chanson était très bien, mais par contre le fait qu'il arrive, il check Mbappé, il saute Modric, il check Griezmann, il check Lucas Hernandez, il s'est expliqué, il a dit simplement j'ai eu peur de prendre un vent. Il a dit j'ai pas senti de prendre un vent, il y avait Griezmann qui me tendait la main. Et il l'a pas senti. Sincèrement, ouais, t'imagines s'il lui tend la main et que Modric lève pas du tout sa main. Non, on a tous vu la photo de Martin Solveig devant Modric. On voyait bien qu'il avait pas envie de faire ça. Modric, c'est pas le mec le plus chaleureux du monde non plus. C'est pas double Brésil. Je comprends, sauf que franchement, sur une cérémonie du Ballon d'Or où en plus c'est Modric le Ballon d'Or, j'aurais préféré voir VG Dream se prendre avant plutôt que Luka Modric ignorer comme ça et qu'il le regarde passer en mode. Mais en même temps, il dit bonjour. Après, l'intelligence, sinon, c'était pas de mettre Luka Modric entre deux Français. Bah oui, non mais c'est des Ah oui, non mais clairement aussi. Ouais, mais fallait l'intégrer. Cette cérémonie était mal foutue. Oui, mais après. Voilà. Je vais quand même me faire l'avocat du diable. Aussi, il y a quand même les joueurs et tout le public. Non, mais il y en a pas un qui applaudissait pendant. Tout le monde a crié Kanté dans le public. Oui, mais à un moment, quand tu viens à une cérémonie, tu t'intéresses un minimum. Pour moi, Mbappé. Laisse-moi finir. Il y a une petite embrouille entre les deux. Non, mais Mbappé qui ne connaît même pas Martin Solveig, au bout d'un moment, excuse-moi, mais tu te renseignes un minimum. Il y a un DJ, ils n'étaient pas 30 à jouer de la musique. Il y en avait un. Tu connais Martin Solveig? Excuse-moi, hein, c'était quand même pas Jean-Pierre Foucault ou Michel Sardou. Un minimum de connaissances. Je crois que ce garçon était plutôt intelligent. Ah, Arthur, excuse-moi, est-ce que Quentin peut parler maintenant? Oui. Mais le patron de la radio qui a appelé vraiment. Donc, on a dit qu'il était viré. Il est viré ou pas Quentin? Mais je suis d'accord avec toi, il y a un minimum de culture. En attendant, ces mecs-là, les joueurs, ils s'en foutent de cette cérémonie. Et que le problème aujourd'hui, c'est que Mbappé, que ce soit Griezmann, n'importe quoi, ils sont payés pour être assis sur une chaise. Ils s'en foutent, ils vont pas les chanter. Mais ils le savent déjà en plus. Ouais, mais dans un vestiaire, ils chantent, mais par contre, une cérémonie, non, c'est. Je dis pas qu'ils chantent, mais un minimum, applaudir des mains, c'est compliqué. Mais ils s'en foutent. Qu'est-ce que tu veux, ils savent d'avance, ils savent 24 heures à l'avance qu'ils ont perdu. Ils vont pas aller applaudir. Il a pas tort là-dessus. Bien avant 24 heures. Bien avant 24 heures. C'est vrai que j'aimerais une remise de prix vraiment en direct. Il a pas tort. C'est dur de faire la fête en sachant que t'as perdu. Mais justement, tu parlais de la remise de prix en direct, Antoine, ça crée un petit peu de magie, cette magie qu'on a perdue en fait, parce que moi je me rappelle d'avant quand on était plus jeune, le Ballon d'Or c'était quelque chose. Alors avant la FIFA je parle, parce que après la FIFA, voilà, il y a eu Messi, Ronaldo, on savait qui allait gagner, mais avant la FIFA, avoir, je sais pas moi, Kaka en 2007 Ballon d'Or, en 2006 Cannavaro, en 2005 Ronaldinho, oui là ça récompensait le meilleur joueur de l'année. Et il y avait quelque chose. Et là, je trouve qu'on l'a perdu. Cette magie, elle était surtout notamment dans le suspense. Avant la FIFA, et même du coup avant, si on arrive au début des années 2000, je pense que c'est à peu près, je vais pas dire l'âge d'or du Ballon d'Or, mais à milieu des années 90 jusqu'à milieu des années 2000, c'est quand le Ballon d'Or s'est ouvert à l'international totalement et plus seulement à l'Europe. En 95, et t'attendais ton France Football du lundi pour savoir qui l'avait gagné ce Ballon d'Or. T'attendais ton France Football, il n'y avait pas de fuite avant parce qu'il n'y avait pas forcément Internet qui était autant développé. Il y avait des gros duels, c'était assez sobre et t'apprenais ça dans ton journal. Tu te levais le matin, t'allais chercher ton France Football ou alors tu regardais ton journal à la télé où il y avait écrit France Football est sorti, on sait désormais, c'est par exemple Pavel Nedved qui a gagné le Ballon d'Or. C'était fantastique. En fait, ça c'était beau. Vraiment, pour le coup, ça c'était beau. Est-ce qu'on retrouvera cette magie qui risque d'être compliquée? Je sais qu'Antoine, toi, t'es pas trop fan là du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or tel qu'il est maintenant, après, pour rebondir un petit peu sur la magie, peut-être aussi qu'on était plus jeune. Je me rends pas compte, en fait, de la part de naïveté et de la part qu'on avait aussi qui a pu jouer. Parce que je peux pas me dire, ça se trouve, un gamin de 8 ans qui a vu la cérémonie d'hier, il avait des étoiles plein les yeux. Je peux pas me rendre compte. Mais par contre, moi, j'ai un problème avec le Ballon d'Or en lui-même. là, ça devient vraiment problématique. Alors le fait après, qu'il soit un trophée individuel. Bah, après des années de Messi et Ronaldo, on se disait ça y est, on va avoir du suspense, on va retrouver un peu cette magie. Et je me rends compte que non, pas du tout en fait. Cette magie, elle, bon, la cérémonie a peut-être joué, la déception de pas avoir un Français aussi a peut-être joué, mais franchement, je commence vraiment à m'interroger sur la pertinence de ce trophée dans le foot d'aujourd'hui. Ça rime à quoi de récompenser une personne sur une année civile, sachant que de manière, les résultats, vu qu'ils sont subjectifs, sont jamais calculés sur une année civile. On sait très bien que si le trophée avait été donné à la fin de la Coupe du Monde, ça aurait été Mbappé. Je suis prêt à parier que si le trophée est donné au mois de juillet, c'est Mbappé qui le gagne. Peut-être un petit peu plus de doute là-dessus, mais sinon, ce que tu dis, c'est vrai. Ouais, parce que le problème aussi de Modric, c'est que depuis août, il n'y a plus rien. Il est catastrophique. Le problème, c'est que pour beaucoup, depuis le mois d'août, c'est pas si flamboyant que ça. Déjà, Varane, Modric, ils suivent les résultats du Real. Griezmann est bon, mais au niveau des statistiques, c'est pas ça. Mbappé, il y a que Ronaldo, finalement. C'est Ronaldo et Mbappé. Et Mbappé n'a pas été là lors des gros matchs de Ligue des Champions. Mbappé, gros début de saison quand même. Très gros début de saison, mais lors des trois gros matchs de Ligue des Champions, quand ça comptait pour les votes du Ballon d'Or, c'est-à-dire le déplacement à Liverpool et la double confrontation contre Naples, ça n'a pas été si exceptionnel que ça. Voire mauvais dans certains matchs. Je pense qu'il peut gratter la troisième place. Il n'y a que réellement Ronaldo qui a plus qu'excellé en début de saison. D'ailleurs, je pense que sa deuxième place, il la doit à son début de saison. Ronaldo. Vu les quarts de vote avec Griezmann, oui, c'est sûr. Vu les quarts de points avec Griezmann, Griezmann est deuxième si Ronaldo fait un moins bon début de saison, c'est sûr. Il faudrait faire quoi, les amis, pour changer tout ça, Arthur? Est-ce que tu as une idée? Imposer des critères de sélection, changer les votants. Pas, ça marchera pas. Ça. Bah si, non, mais au bout d'un moment, quand on voit qu'il y a un journaliste qui. Ils sont combien? 185, c'est ça? 188, il me semble. 188. Ouais, bon, à peu près. Quand on voit qu'il y a des journalistes qui sont censés être spécialisés dans le foot, quand on met Benzema premier, j'aime bien Benzema, hein, c'est pas le problème, mais au bout d'un moment, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Benzema, ouais. Il est 17e grâce à ce vote. Et au final, il y a quand même des joueurs comme, je sais pas, Rakitic, Marcelo, Sadio Mané qui sont derrière à cause de ce journaliste. Au bout d'un moment, ce n'est pas sérieux ceux qui votent. Et c'est incompréhensible. Soit, je sais pas, on privilégie les pays de foot. On a dit que Griezmann avait été élu en Amérique du Sud. Là-bas, le foot, c'est une religion. Faisons confiance à ces mecs-là plutôt qu'à d'autres journalistes qui n'y connaissent absolument rien au football. C'est tellement une religion qu'ils vont privilégier les joueurs sud-américains. C'est le même problème. Bah oui, Griezmann a été élu, on l'a vu. Oui, bah Griezmann, il est premier des votes en Uruguay d'ailleurs, ça a dû lui faire plaisir. Justement, ce classement veut dire n'importe quoi et c'est Bale qui le disait. Sergio Aguero est devant Sadio Mané. Sergio Aguero était sur le banc de l'Argentine. Je pense que Sadio Mané fait une bien meilleure saison. Sergio Aguero est 16e, Sadio Mané est 23e. C'est juste, je pense qu'à partir de la 5e ou la 6e place... Ça se joue surtout à chaque fois à 2-3 points. Ce classement du Ballon d'Or ne veut plus rien dire. Alors ce classement ne veut plus rien dire, Quentin ? Littéralement. Littéralement, parce que de toute façon, le classement est tronqué par les avis des journalistes qui sont faux, qui sont pas au final vraiment, j'ai l'impression, la propre opinion du journaliste en lui-même. C'est que tout est démesuré, tout est faussé par une opinion pour répondre, entre guillemets, pour satisfaire tout le monde. Avant, ça marchait, maintenant, ça marche plus. C'est vrai que quand on prend Sadio Mané, il doit être bien plus haut avec la saison qu'il fait. Si tu mets Salah quatrième, non, cinquième, sixième. Sixième. Salah sixième. Sixième. Sixième, septième, huitième. Je sais plus, j'arrête. Si tu mets ça à la sixième, Sadio Mané doit pas être très loin parce qu'il fait une saison aussi exceptionnelle que lui. Antoine. Bah après, c'est aussi un problème de médiatisation, on en parlait tout à l'heure, mais t'as des joueurs qui sont beaucoup plus médiatisés que d'autres et qui vont forcément prendre de la lumière alors que, au détriment de certains. Et c'est là que le jeu attaquant, défenseur, milieu peut faire toute la différence. Yoann. Puis quand on parle de avant la FIFA et après la FIFA, avant la FIFA, du coup, étant donné qu'il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, que ça se développait tout juste, il n'y avait pas autant de débats publics finalement. Oui. Quand les journalistes votaient, c'était beaucoup plus que légitime parce que personne ne pouvait réellement donner son avis aussi facilement. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde peut exprimer son avis, donc forcément, ça va forcément tronquer pour moi l'objectivité des journalistes parce qu'ils savent. Par exemple, que je pense que si Griezmann avait été élu en dehors de la France, ça aurait eu également un énorme débat. Ronaldo, ça aurait eu un énorme débat. Je pense que cette année, il y aurait eu énorme débat pour quasiment tout le monde. C'est le souci. Avant, les journalistes avaient vraiment cette liberté parce que tout le monde parlait, mais chez soi. Aujourd'hui, les journalistes savent qu'il va y avoir je ne sais combien de débats sur leurs résultats. Après, sur le coup, ça, je trouve ça pas plus mal qu'il y ait du débat, Si ça mettait tout le monde d'accord, c'est sûr, ça serait... cela n'empêche que ça tronque du coup l'objectivité des journalistes. Déjà tout bêtement, si ça mettait tout le monde d'accord, on ferait pas une demi-heure d'émission sur le Ballon d'Or. C'est ça. Et donc on serait au chômage technique. Non, mais pour parler plus sérieusement, pour moi, le Ballon d'Or, il a pas lieu d'être en fait. Ou alors, il y a une autre solution qui est évoquée, c'est un ballon d'or par poste. Je sais qu'il y en a ici qui y sont favorables, mais moi, tout simplement, je penserais à l'enlever. Hein. Et pourquoi... Un trophée individuel maintenant, ouais, mais ça là, plus c'est, devenu historique maintenant, tu peux pas l'enlever comme ça. Ouais, mais tu peux en faire un par ligne quand même. Par exemple, si tu compares, c'est... Là, je fais ça comme ça. Si tu compares, par exemple, N'Golo Kanté à, on va dire, quelqu'un qui a joué à son poste, Yaya Touré. Où tu dis, Yaya Touré, c'était quelqu'un qui marquait beaucoup de buts. Il y a une saison où il a mis 20 buts pour un milieu. Mmh. Kanté, il marque pas. Je peux comprendre la comparaison. Va me comparer Kanté et Cristiano Ronaldo. Impossible. Mais non, c'est incomparable. Non, mais voilà, comment peut-on dire que Cristiano Ronaldo est un meilleur joueur que N'Golo Kanté? Non, mais faisons ça. On met un ballon d'or pour chaque poste, c'est-à-dire gardien, défenseur, milieu, attaquant. Et ensuite, il y a toujours un qui a plus impressionné dans chaque position. Attaquant au milieu, ça va être attaquant au milieu à chaque fois. Mais ça sera très majoritairement attaquant et au milieu. Bah forcément, oui. Mais après, mais c'est vrai que s'il y a un choix, jurisprudence, Salah devant Varane. Mais c'est un sport de spectacle. Après, on préfère. Parlons Formule 1. On préfère quelqu'un qui finit deuxième sans dépasser personne ou quelqu'un qui finit troisième en dépassant 15 voitures? Écoute, moi j'aime beaucoup les pilotes qui sont très stratégiques. Voilà, je les adore. Non, mais pour rebondir un peu dessus, c'est là où je suis d'accord avec Arthur, c'est que si tu donnes le choix entre 4 joueurs, un seul défenseur, un seul gardien, un seul milieu, un seul attaquant, ça peut faire peut-être équilibré. Mais on va dire 3 fois sur 5, ça sera un attaquant ou un milieu. Tu sais que je crois que tu viens d'inventer une idée. En vrai, pourquoi pas? Et pourquoi pas 4 nommés? Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas 4 nommés, un par poste, pourquoi et tu choisis? Allez, j'envoie le dossier. Comme tu dis, il y a un ballon d'or par poste, et parmi ces 4-là, il y en a un qui est au-dessus, et tu fais justement un vote là-dessus. Les gars, vous venez d'avoir une idée. Je crois que ça fait 2 fois qu'on a une idée fantastique. La première fois, c'était pour la Coupe Davis. Oui. Là, c'est pour le ballon d'or. On devrait vraiment prendre les instances du sport dans nos mains. On réforme la FIFA, c'est bon? Allez, on est parti. On supprime l'arbitrage. Ah, non, pardon. On est parti. Till we fall, they say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. Must be so proud, they know it all. No, they- Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et on est de retour pour avec vous les titulaires pour cette deuxième édition des titulaires. Je vais le redire. Et Arthur, un petit point Martin Fourcade. Un petit point Martin Fourcade et ça sent vraiment mauvais parce qu'il est déjà hors du top 20, Martin Fourcade. Ah ouais, quand même. Il a que le 33e temps de ski. Sachant que l'année dernière, il était ski en marche arrière ou comment ça se passe? Je sais pas. Soit il a oublié de mettre ses skis, mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Ça se dit, je suis le seul à avoir eu l'image de Martin en train de faire des skis à l'envers. Non, mais ça faisait quand même 5 ans qu'il n'avait pas eu un tel résultat. Il est tout le temps dans le top 15. Et là, c'est. Ouais, c'est pas grave. C'est peut-être la fin d'une légende. C'est un grand champion. En direct. Après, du ski en marche arrière, ça va. Tant qu'il tire pas à la carabine à l'envers, on est bon. Mais c'est un grand champion. Et justement, champion, on va parler de la Ligue des champions en foot. Et oui, transition oblige. Et Paris sur le pont pour cette sixième et dernière journée. Les Parisiens se déplacent à Belgrade et une victoire assurerait, quoi qu'il arrive, l'accès aux huitièmes de finale. Mais ça sera compliqué pour Paris, Johan, parce que Belgrade, je crois, c'était 0 but encaissé chez eux. 0 but encaissé à domicile, 0-0 contre Naples et des victoires 2-0 contre Liverpool. Donc comme quoi, c'est vraiment pas facile d'aller jouer là-bas. D'ailleurs, je crois qu'ils sont sur une série, j'avais entendu ça lors du match contre Liverpool, une vingtaine de matchs invaincus à domicile, voire de victoires consécutives. Non, invaincus du coup, vu qu'il y a eu le match nul contre Naples. C'est assez impressionnant, ouais, Belgrade à domicile. Donc c'est assez impressionnant, Belgrade à domicile, donc à voir. Et je pense quand même que si Paris force, logiquement, voilà... Je vais pas trop m'avancer parce qu'il y a quand même Liverpool et Naples qui n'ont pas réussi. Mais logiquement, si Paris force, ça devrait le faire. Arthur. Surtout qu'ils sont prévenus là, quand même, parce que comme vient de le dire Johan, Naples, Liverpool ont eu l'échec là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à me regarder comme ça? Il faut quand même prévenir qu'il me fait des gestes bizarres. Mais je sais pas ce que tu veux me dire. T'as un micro devant toi, parle quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais oui, quoi qu'il arrive, ils sont prévenus. Pour moi, qualification obligée pour le PSG. Là, ils jouent le match le plus important pour moi de l'année, leur année civile. Ce qu'il faut surtout, c'est il faut gagner en fait là-bas. Parce que sinon, ça va être des calculs improbables. Et alors, de mémoire, avec la victoire contre Liverpool, c'est un peu arrangé les choses. Mais si Paris fait match nul et que Liverpool gagne contre Naples, ça va être compliqué. Il faut que Liverpool gagne 4-3 minimum. 4-3, 6-5 ou plus. Paris est en bonne posture quand même pour se qualifier. Oui. Mais bon, vaut mieux assurer le coup et gagner. Oui, et puis c'est impératif pour Paris de gagner parce que après le match qu'ils ont fait à Liverpool. C'est un match référent. Quelle image il renverra à l'Europe en s'inclinant ou en faisant seulement match nul après un match comme Liverpool? Enfin, tu renvoies une image hyper négative. Bah oui, mais pour un prétendant, pour un club qui se prétend numéro 1 entre guillemets de la Ligue des Champions, qui veut l'être. Non, ils se prétendent pas. Ils se prétendent pas. Pas cette année justement. Cette année, ouais. Qui veulent l'être dans les années à venir. Ouais, c'est pas bon quoi. Donc à un moment donné, t'as fait un gros match contre Liverpool, tu te dois de gagner contre ce club là. Je pense que Paris, on les met plus comme les numéro 1 que eux-mêmes se mettent en numéro 1. On a tendance à oublier que c'est Liverpool et Naples. Et du coup, Belgrade à domicile, on a vu ce que ça donne contre Liverpool et Naples. Donc ce ne sont pas des adversaires faciles pour Paris. Et c'est quelque chose, on a tendance à penser que comme c'est le PSG, bah ça doit passer quoi qu'il arrive. Mais non, c'est pas facile. Il y a peut-être une preuve de ça. Tu parlais de Paris qui se mettent pas numéro 1, c'est la célébration du match contre Liverpool. Ouais. Une équipe qui partirait favorite de ce match peut-être ne célèbre pas comme ça une victoire contre Liverpool à domicile. Après, bon, on va pas revenir sur toute la polémique qui entourait ces célébrations. Il y avait beaucoup de pression sur ce match et c'est de la décompression. C'est une fausse polémique. C'est le fait de tenir le match référence. Mais par contre, oui, à Belgrade, ça va être très compliqué parce que déjà, l'ambiance là-bas, c'est un truc de fou. L'ambiance, c'est hostile au possible au club visiteur. Avec en plus le climat, j'aimerais bien, parce que c'est un truc à vivre, je pense, au niveau ambiance. Avec en plus le climat. Arthur, il croit qu'il est dans un bar tranquillement. Mais il est pragmatique dans cette émission, c'est fou. Non, j'arrête de parler, j'arrête. Mais imaginez Paris qui finit premier, Antoine. Ouais. Est-ce qu'on pourra dire que le club de la capitale est de nouveau favori? Parce que terminer devant Liverpool et Naples, ça envoie un message à l'Europe quand même. Je pense qu'il faut arrêter avec cette histoire d'envoyer des messages, cette histoire de favori. Ça n'existe pas. À partir du moment où tu passes les poules de Ligue des Champions, c'est que tu as une chance de la remporter. Alors bien sûr, il y a des clubs comme Paris, comme des historiques comme le Real de Madrid, comme Barcelone, qui peuvent avoir cette étiquette, on va dire. J'aime pas le mot favori, parce que favori, ça veut dire que tu es celui qui va la gagner. Tu es celui qui doit la gagner. Et ça met une pression énorme. Alors que tu t'es un prétendant à la victoire. Pas forcément, favori, ça peut être celui qui est le mieux parti pour la gagner. C'est pas forcément celui qui doit. Mais comment tu peux dire que t'es le mieux parti pour la gagner? Mais personne ne le dit. Ce sont nous qui le disons. Ce sont les journalistes. C'est ce que je dis. C'est le peuple. On parle d'eux. Eux-mêmes ne le disent pas. Donc en fait, c'est normal que des favoris se dégagent dans toute compétition. Dans ce cas-là, t'as 5-6 favoris, ça veut rien dire. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Et encore, Schalke, ils sont passés les poules. Enfin, ils vont probablement passer les poules. Donc c'est. Pour moi, ça fait rien dire, cette histoire de favoris. Après, tu te doutes bien que s'il y a Schalke contre le PSG ou le Real en huitième de finale ou le Barça, tu te doutes bien qu'il y a quand même un club qui se dégage un peu plus. Ouais, enfin, faut voir le match que Schalke avait fait contre le Real en poule aussi il y a quelques années. Ils avaient failli les éliminer. Oui, faut pas oublier également que quand Schalke. C'est Schalke ou Wolfsburg qui a mis 2-0 au Real à l'aller et qui en ont pris 3 au retour. Schalke. Voilà, c'est Schalke. C'est exactement ce dont je parlais. Oui, c'était pas en poule du coup, c'était en quart de finale. Excuse-moi de te corriger. Autant pour moi. Voilà, je t'en prie. Non, mais calmez-vous. Je suis désolé, mais me dis pas que c'était non plus une énorme surprise que le Real gagne 3-0 au retour. Les personnes attendaient plus le retour du Real que Schalke qui confirme. Ah oui, non, mais ce qui ne serait pas le cas avec un autre gros club, par exemple. Mais il y a une histoire de favoris. On parlait pas du PSG à la base. J'y viens. Antoine, parle du PSG. Comment tu peux considérer le PSG comme favori quand on regarde l'historique de Ligue des Champions, éliminé en 8e sur les deux dernières saisons, en quart sur celle d'avant. Donc il y a un moment, oui, tu peux dégager un statut de favori pour le Real de Madrid, pour Barcelone, parce que ce sont des historiques qui ont l'habitude de l'emporter. Même on va même mettre le Bayern de Munich dans cette case et la Juventus, Les quatre historiques. Les quatre historiques qui ont une certaine habitude, on va dire, de truster le dernier carré de la compétition. Sur une longue période, il y a eu des années précédentes, mais voilà. Dans ces cas-là, oui, tu peux dire éventuellement, et encore, bon, encore une fois, j'ai un problème avec ce terme de favori, mais tu peux dire qu'ils ont peut-être plus de chances d'aller dans ce dernier carré parce que c'est une habitude. Mais encore une fois, ça veut rien dire. Il suffit de voir le Real cette saison. Le Real cette saison va être mis dans les favoris parce qu'on a l'habitude de voir le Real, mais le Real fait une saison compliquée. Donc si ça se trouve, ils vont pas passer les 8e. Après, pour le coup, le Real, c'est logique. Ils ont fini deuxième de leur phase de poule l'année dernière en faisant justement un début de saison très compliqué et ils la gagnent. Ah oui, non, mais après, en ayant un vrai parcours cette mais fois. Mais il y avait Zidane sur le banc. Mais il y avait Zidane. Après, Paris, pour moi, si on peut dégager une étiquette de favori, c'est aussi parce que peu importe le club que tu es, je pense que n'importe qui tombe contre Paris en 8e de finale n'est pas très content. Bah, complètement. Et surtout que cette année, encore plus que les autres années, je trouve, parce que c'est la deuxième fois où ils ont vraiment du mal en poule et je pense que ça peut peut-être leur servir pour la suite. Je me souviens que l'année dernière, ils avaient été ultra impressionnant en poule. Ils avaient gagné 3-0 contre le Bayern, 7-1 contre le Celtic. Au final, on avait dit, je me souviens, ils vont terrasser le Real Madrid qui, à ce moment-là, n'était pas très bien et ils se sont fait éliminer. Donc, je pense, pour moi, c'est peut-être l'année du PSG. Hein. Après, ils avaient fait un gros match à l'aller contre le Real. Quentin, un dernier mot ? Ce qui va jouer pour le PSG cette année, je pense, ça va être aussi le caractère de Tourelle qu'il n'y avait peut-être pas forcément sur les différentes éditions l'année dernière. Il a quelque chose en plus. Tu sens que dans le vestiaire, il est écouté, qu'il apporte quelque chose. Et je pense que ça peut faire la différence au très haut niveau, tout comme Buffon d'ailleurs qui a rejoint cet été le PSG. Ouais, il y a des grands champions et puis Thiago Silva qui semble métamorphosé. On va parler de Lyon, c'est juste après une petite promo antenne. Bonjour, c'est Corentin. Avec Pauline et Valentin, nous réglons vos montres sur l'heure média pour que vous ne puissiez rien rater de l'actualité média. Sur Studekweb, à 16h, tous les jours, c'est votre rendez-vous pour faire le malin à la machine à café ou tout simplement être au point sur la culture G. Vous en voulez encore ? Écoutez-nous tous les jours de 16h à 17h dans l'heure média sur Studekweb parce que l'heure média, c'est aussi vos médias. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studekweb. Et on vient juste de parler de Paris avec nos titulaires. On va parler d'un autre club français qui est en bonne posture pour se qualifier. C'est Lyon, qui a juste besoin d'un match nul. Alors le match face au Shakhtar se jouera à Kiev en raison des tensions politiques en Crimée, notamment avec la Russie. Et à quel Lyon s'attendre ? Parce que celui qui est en feu face à Manchester City sur les deux matchs ou celui totalement refroidi par l'atmosphère ukrainienne ? C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire parce que Lyon, le Lyon de Bruno Genesio cette année est complètement imprévisible. Tu peux pas savoir à quoi tu vas t'attendre. C'est pas possible. Autant il peut faire des exploits comme contre City, autant il peut te sortir un match, mais tu ne sais même pas toi-même d'où il le sort, contre une équipe qui est largement à sa portée. Là, contre Hoffenheim, quand ils vont jouer contre Hoffenheim, ils sont très bien capables de leur mettre 4-0. Comme ils sont très bien capables d'en prendre 3. Ouais, ils ont deux visages. Ils ont deux visages et tu ne peux pas savoir à l'avance sur lequel tu vas tomber. Mais Antoine, j'irais même plus loin dans cette instabilité de Lyon. c'est que c'est même pas en fonction des rencontres, c'est dans un seul match. Tu parlais du match contre Manchester City, Quentin ou Yuan, je sais plus, mais dans le match retour, il y a deux Lyons. Il y a le Lyon qui marque les buts, visage conquérant, et qui, dans 2-3 minutes après, encaisse. C'est deux fois sur coup de pied arrêté. Deux fois sur coup de pied arrêté, et deux fois dans la foulée de leur but marqué. C'est quand même assez incroyable d'avoir aussi une inconstance énorme dans un seul match. Autant tu peux dire sur une mi-temps, ça peut arriver, et tu peux peut-être te reposer un peu sur tes lauriers à la pause, revenir un petit peu moins frais. Sur deux matchs complètement, sachant que bon, Lyon, ils sont un peu spécialistes du genre, pour moi, le problème, il vient d'une question de mentalité, d'une question de tactique. Pour moi, c'est des individualités. Si l'individualité est en forme, si ça passe sur un coup de poker, sur un dribble réussi, ça peut tout dégommer. Par contre, il suffit qu'il y ait un petit coup de fatigue, un petit coup de pompe vers la 60e, et là, ça peut transformer complètement le visage de l'équipe. C'est des sauts de concentration, Johan. Plus, je pense, c'est également un manque de volonté parfois. Je pense qu'on peut même encore aller plus loin qu'Antoine, qui est allé encore plus loin que Quentin. Lyon, c'est également les joueurs. Je pense qu'on peut prendre l'exemple de Memphis Depay. Bah oui, son match à Guingamp, c'est la saison de Lyon pour moi. Son match à Guingamp, une première période catastrophique, mais fantomatique. Et en seconde période, deux buts, deux passes décisives. Un coup franc exceptionnel, barre entrante. C'est exactement... Memphis Depay à Guingamp, c'est la saison de Lyon de manière générale. Voilà, c'est tout ce que je trouve à dire. Mes collègues en ont suffisamment bien parlé. Il a commencé une phrase, il s'est dit « Ah merde, j'ai déjà dit ». Donc il est passé à la suite. Ça. Ça va passer pour Lyon, Arthur ? Oui. Non, merci, Arthur. Merci, Arthur. Non, oui, pour moi, ça va passer. Un match nul, je le rappelle. Il faut juste un point. Après, ouais, mais comme ils l'ont si bien résumé, ça peut être compliqué. Tout dépendra des 30 premières minutes. On va savoir si Lyon peut passer ou pas. Mais normalement, ça devrait passer. Ils vont quand même avoir la pression du public. Parce que là, s'ils se font éliminer, ils se font littéralement dégommer par les supporters, par toute la France. Hein, parce que après les prestations qu'ils ont fait en Ligue des Champions, où je crois que c'est arrivé 3-4 fois, où ils se sont fait rejoindre au score dans les dernières minutes. Je pense même que ce match pourrait coûter la tête de Genesio. Ah oui, complètement. S'ils se font éliminer... Mais c'est foutu, leur saison est terminée. Enfin, la Ligue Europa, après, pour qu'ils se fassent éliminer en 16e, c'est pas la peine. Non, franchement, match capital pour Lyon, mais pour moi, ça devrait passer. Antoine, bah, tu viens de dire un truc avec lequel je suis pas d'accord. La question que je me pose pour Lyon, c'est si jamais ils rament comme ça en phase de poule, est-ce qu'il vaudrait pas mieux pour eux être 3e et faire un parcours en Europa League ? Parce que, honnêtement, Lyon, s'ils arrivent à se qualifier pour les 8e, sachant qu'ils ne peuvent pas tirer Paris, il y a des grosses équipes quand même sur leur passage. Et est-ce qu'il vaut mieux un parcours réussi ? Il y a de l'argent en jeu aussi. Il y a de l'argent en jeu. Ça, c'est la donnée importante. Mais outre, on va mettre de côté la question financière, bon, qui est assez importante surtout à Lyon, se poser la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire comme Marseille, un gros parcours en Europa League, sachant qu'ils ont vraiment la possibilité de le faire cette saison, ou une élimination piteuse 5-0 contre le Barça ? Je ne sais pas, mais je pense en tout cas que... Quand tu es dans un groupe où dedans il y a Manchester City, le Shakhtar et Hoffenheim, et que tu es Lyon, tu dois sortir de ce groupe. Ça, je suis d'accord. Mais là, on voit la situation. On voit la situation, mais là, c'est du football fiction. Comme dit Arthur, si ça se trouve, en 16e ou en 8e, Lyon, ils se prennent deux fois 3-0 contre je ne sais quel club et ça passe pas. C'est tout à fait possible aussi. Donc, selon ton analyse, à ce compte-là, l'année dernière, il ne fallait pas finir 3e et finir 4e. Comme ça, ils auraient joué pleinement la Ligue Europa. Non, mais je pose une question pour le coup. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux faire un. Parce que Lyon, l'an dernier, on se dit, Lyon, s'ils réussissent à garder leur cadre, ils peuvent nous faire quelque chose en Ligue des Champions. Là, on voit le début de saison, le match à City, on se dit, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Et puis, deux fois Hoffenheim, et puis Manchester City, où ils se font rejoindre. Ouais, après, c'est quand même pas mal de faire deux contre Manchester City. Mais, la marche est peut-être un peu trop grande, quoi. C'est surtout, imaginez, Manchester City perd, Lyon gagne, Lyon finit devant Manchester City au classement. Ah oui, parce que Lyon a gagné sa double confrontation 2-1 là-bas et 2-2 à Gerland. J'ai beaucoup plus, enfin, dans ma tête, j'imagine beaucoup plus Lyon réaliser un match exceptionnel contre Barcelone deux fois que contre un club de Ligue Europa. Clairement. C'est vrai. Parce que j'ai l'impression que c'est un club qui s'adapte, enfin, qui adapte sa motivation en fonction de l'adversaire qu'il a en face. Exactement. Et ce qui d'ailleurs, on peut vivement leur reprocher. Hein. C'est clair qu'ils n'ont pas du tout la même motivation en fonction de l'adversaire. Et je pense que Lyon cherche le prestige. On sait très bien avec Jean-Michel Aulas, etc. Donc, même si tu prends 3-0 contre Barcelone, d'un point de vue visibilité, d'un point de vue économique... Le prestige, c'est plus la victoire en Ligue Europa, là, justement. Mais le prestige, ils l'ont eu. Ils l'ont eu avec Manchester City. Oui, oui, ils l'ont eu avec Manchester City. Si jamais en huitième, ils tombent contre un gros club, si jamais ils sont qualifiés, ils l'auront aussi. Et ils auront une visibilité européenne peut-être beaucoup plus grande que... Pas sûr, hein. Faut voir le parcours de l'OM, ça les a vraiment servis. Après, Lyon en plus a des atouts que Marseille n'a pas. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est, je veux dire, Marseille a eu de la visibilité, mais ils ont recruté qui, enfin, tu vois, ils ont même pas réussi à recruter. Parce que Marseille, il y a des problèmes de la ville, ça c'est autre chose. Ah, c'est vachement méchant pour Caleta-Tsar. On parle du recrutement, mais imaginez Lyon va en huitième de finale de Ligue des Champions, ils peuvent recruter au mercato d'hiver des joueurs qui ont déjà joué la Ligue des Champions, parce que la règle a changé. Et ça peut changer aussi quelque chose pour Lyon. Absolument. D'un point de vue économique, d'un point de vue visibilité. Ils ont tout intérêt à jouer la Coupe du Monde. Et puis Lyon. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Lyon est une ville. Hein. Enfin, toujours le pragmatisme. Quand t'as un conclu. Donc voilà. J'avais rien à dire. On a coupé l'arbre sous le pied. Ouais, c'est ça. Le duel Arthur-Quentin a viré en victoire pour Arthur, pardon. Ouais. Non, pour Quentin. T'as raison. Il en est où, Martin Fourcade, pour conclure cette émission? Bah il a fini depuis longtemps, hein, non là il a la tête dans la neige, là il faut qu'il sorte tout de suite là, il fume une clope, tu sais, à côté de la matte de neige. Chante quand te reverrai-je. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous messieurs, on se retrouve dans 2 semaines. Bon week-end à tous. Une radio, des hits. Studek, du kiff. Studek Web.